Mission organisée par la région et son agence l'Ardésie. Cette quatrième édition, cette année, avec plus de 580 inscrits, ce qui est remarquable, et vous avez bravé pour certains d'entre vous la grève d'Air France. Alors ça devient une habitude, l'année dernière c'était pareil. J'ose espérer que vous n'avez pas trop été en souffrance dans les aéroports, mais pour certains je sais déjà que ça a été le cas. En tout cas, je pense qu'il faut que nous passions un accord avec le syndicat des pilotes, pour lui proposer de décaler l'année prochaine sa grève, ou alors il faudra que nous changions d'époque. Voilà, donc cette rencontre, pour devenir plus sérieux, cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien important de la région Midi-Pyrénées, de la Caisse des dépôts et consignations et du bloc e-tourisme.info, qui se sont beaucoup investis dans cette manifestation. Et au nom de l'Ardésie, je les en remercie vivement. Alors quoi de neuf cette année ? La rencontre est marquée par une ouverture internationale avec une participation du ministère québécois du tourisme et celle de l'Office de tourisme de Belgique, que je salue d'ores et déjà. Nous avons voulu mettre en avant deux pays qui ont profondément rénové leur politique Internet en mettant les internautes au centre des contenus produits sur leur site. Je pense que ce premier sujet que vous allez aborder ce matin va fortement vous intéresser. En tout cas, il démontre une interactivité évidente avec nos clientèles. Nous sommes loin des sites Internet institutionnels de première génération qui étaient statiques, parfois peu interactifs, je dirais même souvent un peu ennuyeux, mais il fallait bien passer par cette étape. Pour la France, vous découvrirez sous un nouveau jour nos amis les Ch'tis, qui ont fait beaucoup parler d'eux, en bien, ces derniers temps, et l'Aquitaine, avec des communications décalées qui sont souvent plus intéressantes et authentiques que les discours promotionnels. À travers commentaires, avis, photos, vidéos, blogs perso, les internautes jouent volontiers les guides pour d'autres internautes, ça c'est très tendance. L'enjeu pour les acteurs publics que vous êtes consiste à se servir de ce buzz pour renforcer l'attractivité de nos territoires. Et les mots-clés de la journée sont donc Web 2.0, mobilité, avis d'internautes, blog, communication décalée et visibilité. C'est donc à ce grand voyage dans le futur de l'Internet auquel je vous invite pendant cette journée, en vous souhaitant une bonne moisson d'idées nouvelles pour mieux vendre la France et vos territoires quand les internautes sont friands de ces nouveaux usages Web 2.0. Et pour commencer ce voyage, sans perdre de temps, j'invite maintenant nos amis du Québec, de la Belgique, les intervenants de la table ronde à nous rejoindre, ils sont déjà là, très près, pour aborder ce sujet. Alors, la stratégie Internet de bonjourquebec.com avec Julien Cormier, chef du service marketing électronique du ministère du Tourisme et du Québec. Il est là, il va lever la main, comme ça on va pouvoir l'identifier. Bienvenue. Je finis, hein, et puis je vous passe la parole. Gérard Declerc, directeur, et Peggy Malmaison, c'est la stratégie Internet de Belgique, Flandre et Bruxelles, l'agence RMG Connect, qui est là aussi. Responsable nouvelles technologies à l'Audit France, Jacques Daoulas, directeur de la promotion de la communication de CRT Midi-Pyrénées. Et puis Philippe Fabry, Jean-Luc Boulin, directeur de la Mopane Aquitaine, et Claude Bandouard, directeur de l'ANCA Développement. Voilà, donc je pense que le décor est planté. Sans perdre de temps, donc je vous laisse la parole et en vous souhaitant bien sûr de fructueux travaux et que vous garderez un meilleur souvenir de ces échanges. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin les uns des autres de mieux comprendre quelles sont les évolutions de nos métiers, dans l'intérêt bien sûr de l'économie touristique. Alors bon vent et surtout profitez de ces jours pour qu'ils vous soient profitables. Merci beaucoup Jacques Bousquet. Vous vous installez. Bon bah tu es là, je te propose de prendre la suite immédiatement. Donc la présentation de Julien Cormier de la stratégie de bonjourquebec.com et du virage 2.0 et la plateforme 2.0 qui est en train d'être mise en œuvre avec, on vous l'a dit hier, une exclusivité mondiale. Hein, Julien, c'est ça ? Mondiale. Donc il va nous présenter un petit peu les évolutions de la stratégie de bonjourquebec.com. D'accord. J'avais l'air un peu pressé, excusez-moi. Donc... Alors bonjour, merci beaucoup à Ardésie de m'avoir invité, de m'avoir donné ce podium pour vous présenter, comme Ludovic le dit si bien, en première mondiale, notre nouvelle stratégie Internet tournée vers le Web 2.0.

au pas de charge, un peu rapide, mais en une demi-heure, on a tenu effectivement le choc. Avant d'en discuter avec notre plateau, je vous propose donc qu'on passe tout de suite à la présentation d'une stratégie originale, alors qui pour le coup s'appuie sur les services des agences de communication, avec, Gert nous l'expliquera peut-être, des moyens qui sont un peu différents de ceux du Québec, mais une stratégie toute particulière, une utilisation justement d'outils 2.0, et notamment Facebook, Peggy et Gert vont nous en parler, qui est relativement originale et qui depuis quelques mois retient un petit peu l'attention de tous les médias qui traitent d'Internet et du tourisme, de nombreux blogs, de nombreux prix aussi, je crois, pour votre communication, et qui attire l'œil sur une cible qui est très particulière. On est peut-être un peu moins dans le global que nous a présenté le Québec, mais plus sur une stratégie extrêmement réfléchie, extrêmement travaillée, d'un point de vue graphique notamment. Je vous laisse la parole. Gert De Clercq, donc, qui est directeur de Tourisme Belgique Flandre et Bruxelles, et Peggy Malmaison de l'agence RMG Connect qui les accompagne. Bonjour, merci collègues pour tout ce qu'on a appris pour le Québec. Venez voir chez nous l'année prochaine, on vient un peu en retard. Parce que les millions d'euros, ce n'est pas le cas chez nous. Je suis assez transparent pour la Flandre. En Belgique, on dispose à peu près d'un budget annuel sur tout le marché français, c'est-à-dire de Lille jusqu'à Biarritz, de 500 000 euros. J'ai besoin de Peggy. Nous avons choisi de travailler avec une agence, appel d'offres. RMG Connect l'a gagné il y a 3 ans, je crois. Et oui, c'est 15% de ce budget et je le paye avec plaisir parce que quand j'ai vu la photo des singes là, je faisais partie, j'étais au premier plan moi. Il y a 10 ans, j'étais directeur d'une petite station balnéaire à la côte belge, à Ostende. Et je dois dire, quand je suis arrivé, on était 5 personnes et on avait un ordinateur. Et on m'a dit, Monsieur De Clercq, ce serait pas bien d'avoir 2 ordinateurs. J'ai dit, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis après quelques années, on était 25. Et puis bon, ils ont dit, Gert, je crois que c'est nécessaire que tout le monde ait une connexion Internet. Oh, je dis, écoute, tous ces gars au bureau, ils vont s'amuser à chercher des trucs qui sont pas très professionnels. Non, on va pas faire ça. Entre-temps, 10 ans après, oui, je suis très honoré qu'on ait invité ici, que apparemment on fait des choses pas mal sur l'Internet version 2. Et oui, c'est grâce à Peggy avec qui je donnais la parole tout de suite. Si on peut lancer, oui, la première page. Excusez-nous, on a eu quelques petits problèmes pour la présentation qu'on a. On a testé longuement, mais qui ne veut pas marcher. Je ne sais pas, est-ce que je peux me servir de cette petite chose ou du coup, je suis un petit peu perdue sur la manière de piloter. Et oui, ça marche. Donc, peut-être, Gert, tu peux en parler parce que c'est aussi le pas que tu as choisi pour parler de la Flandre. Je fais la première page, moi. la Flandre en Belgique, vous connaissez un petit peu, j'espère. En entrant ici, oui, je fais partie des mauvais, moi. En Belgique, on est 2 peuples, les Wallons dans le sud, les Flamands dans le nord, Bruxelles un peu entre les deux. Alors, il y a 2 offices de tourisme à Paris, Tourisme Belgique, Flandre, Bruxelles et Tourisme Wallonie, Bruxelles. On a 6 villes d'art et avec ce petit budget, on a dit on va travailler d'abord sur Paris-Île-de-France. Et quand je suis arrivé il y a 7 ans, on montrait tous les clichés de la Belgique. Et vous les connaissez, chocolat d'abord.